Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est le retour de votre magazine de culture scientifique Futur Simple en ondes depuis 1996. C'est donc reparti pour une nouvelle saison de Futur Simple, une nouvelle saison pour plonger tout azimut dans la science. Nous retrouverons certains chroniqueurs des années précédentes, par exemple Maxime Cussic en neurosciences, Jean-René Roy en astrophysique, Mathieu Riopel en histoire des sciences physiques, Rachel Guindon en sciences nordiques, André Desrochers en ornithologie et bien d'autres entrevues avec des invités ponctuels. Autant d'entrevues animées par moi-même, mais aussi par Samuel Lauzon et Marianne Fallard-Decôté qui reviendront au fil des semaines prochaines. Et ce soir, pour cette première émission, ce sera un bon exemple de la diversité des sujets abordés à Futur Simple. À 19h, il sera question de l'impact des réseaux sociaux sur l'acceptabilité sociale des projets environnementaux. Nous en parlerons avec Céline Vanicotte, professeure en génie chimique à l'Université Laval, et Jean-Louis Chamard, président du comité régional du réseau environnement. Et pour le moment, on va prendre une toute autre direction, celle des oiseaux migrateurs nocturnes, et plus particulièrement, on va s'intéresser aux chants ou aux cris que lancent ces migrateurs nocturnes en volant. Et c'est André Desrochers qui va nous les faire découvrir. Il est professeur d'écologie, de conservation et de modélisation statistique à l'Université Laval. Bonjour André. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Futur Simple. Et vous avez l'honneur d'inaugurer, de lancer cette nouvelle saison d'ailleurs. Je suis tout honoré et flatté de la chose. C'était peut-être, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est ainsi. Alors ces oiseaux migrateurs, André, ils vont bientôt entamer leur périple vers le sud. D'ailleurs, peut-être qu'on a déjà commencé un peu à entendre les wa-wa des oies dans le ciel. On les voit traverser le jour, mais donc on sait les oies, on les voit traverser le jour, mais est-ce qu'elles migrent la nuit? Les oies peuvent migrer la nuit, j'imagine, mais c'est surtout des migrateurs diurnes. C'est le phénomène que tout le monde connaît, hein, voir passer les voiliers d'oies en forme de V et tout ça. Mais j'imagine qu'ils en passent aussi un peu la nuit. Ces oiseaux-là peuvent naviguer quand même assez bien là, en pleine noirceur. D'accord. Mais donc, ce qui nous intéresse ce soir, c'est plus les migrateurs nocturnes. Alors, ils sont un peu plus difficiles à voir pour nous autres. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup, des migrateurs nocturnes, par rapport aux migrateurs diurnes? Oui, il y en a énormément. En fait, la majorité des oiseaux, en Amérique du Nord, du moins, sont des migrateurs nocturnes. Et donc, nos forêts sont en train de se vider actuellement là, à la vitesse grand V. Du coup, vers la fin de septembre, il n'y aura presque plus d'oiseaux, par toute proportion gardée avec ce qu'il y avait au courant de l'été. Donc, on est en plein dedans là, en ce moment. Et ces oiseaux-là, c'est surtout des insectivores qu'on compte là, parmi les migrateurs nocturnes. Donc, les hirondelles, par exemple, ça migre la nuit? En fait, ça, c'est l'exception. C'est l'exception. Qui confirme la règle, comme on dit. Les hirondelles migrent plutôt le jour. D'accord. En tout cas, on n'a pas d'indication qu'elles migrent la nuit. On en voit beaucoup passer le jour, là, qui sont manifestement en migration, là, qui passent du point A au point B. Donc, c'est une exception. Mais les parulines, plusieurs espèces de bruants, les grives, etc. Les merles, ça grive, là, ça, ouais. Ça migre. Et les étourneaux, on les voit se rassembler en ce moment. Donc, j'imagine qu'ils partent en groupe aussi vers le sud. Ouais, ben ça c'est un autre beau cas de diversité. Ah oui? Les étourneaux, en fait, sont pas très migrateurs. Ils se rassemblent à ce temps-ci de l'année. Effectivement, on a tous vu hein, les dessins broches, qu'ils font quand ils volent en groupe, par milliers parfois. Et ça, c'est beaucoup d'oiseaux qui sont, c'est beaucoup de juvéniles. C'est des oiseaux qui sont souvent en dispersion parce que là, il y a une distinction à faire aussi entre la dispersion et la migration. Bon, on pourrait y revenir, là, mais ces oiseaux-là, les étourneaux, en fait, sont résidents. On peut remarquer les étourneaux l'hiver au Québec, par exemple, en plein hiver. Il semble y en avoir quand même beaucoup moins que l'été. Donc, c'est peut-être un cas limite, là, de migrateurs partiels. Donc, je commençais cette entrevue avec les oies parce qu'on les entend quand elles passent dans le ciel, elles lancent leur cri, leur oua-oua, si j'ose dire. Mais c'est les seuls qu'on entend vraiment, par contre. Alors, est-ce que les autres oiseaux, alors je ne sais pas si on doit dire chantent, crient, font des appels aussi en volant quand ils migrent? Oui, absolument. Et puis, si vous êtes dehors à ce temps-ci de l'année, ou même à partir du mois d'août, en fait, les belles soirées d'été tranquilles, surtout s'il y a un couvert nuageux, on va souvent entendre des cris aigus, isolés ici et là. Et c'est toutes sortes d'oiseaux qui vont pousser ces cris-là en migration. Mm-hmm. On n'est pas tout à fait certain du pourquoi de ces cris-là, mais on s'imagine que les oiseaux essaient de rester en communication les uns avec les autres, peut-être pour échanger l'information ou toutes sortes de phénomènes comme ça. Les grives en particulier sont très vocales la nuit. Ah ouais. Il y a une espèce qui s'appelle la grive à doigts olives qui est l'oiseau qui entonne à peu près la moitié des cris parfois là, dans une nuit, toute espèce confondue. Donc ça, c'est un oiseau extrêmement vocal la nuit. Mais c'est pas vrai pour toutes les espèces. Il y a des oiseaux qu'on appelle les viréos, par exemple, qui sont complètement muets la nuit. Ils sont très nombreux, mais on ne les entend pas la nuit. Donc, les oies, quand elles... J'ai appris qu'on les disait cacardes, les oies cacardes. Je ne savais pas, connaissais pas ce mot-là. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'elles se disent. Elles se communiquent entre elles avec ces cris-là, mais on ne sait pas vraiment si c'est des indications « suivez-moi » ou on ne sait pas trop vraiment non. ce qu'elles se... Non, il y a une chose on essaie de jouer au détective, d'essayer de trouver des explications du pourquoi toutes ces vocalisations-là puis les cris que les oiseaux font la nuit. On sait, par exemple, que quand c'est des nuits lourdes, là, un couvert nuageux bas, un plafond bas, les oiseaux vont être beaucoup plus vocaux que par d'autres conditions météo. Mais là, ça devient compliqué parce que si on en entend plus, est-ce que c'est parce qu'il y en a plus? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus vocaux? Ou est-ce que c'est un peu les deux? Ah oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il faudra avoir un œil, une caméra infrarouge super puissante pour les compter, puis là, faire le lien entre ces deux choses-là. Donc, on est un petit peu, on navigue un peu dans l'obscurité, un peu comme les oiseaux, là, comme chercheurs. Là. Et est-ce que les oiseaux font... est-ce qu'on doit dire cri ou chante la nuit? Cri. Alors, est-ce que les oiseaux crient la nuit? Est-ce que leurs cris nocturnes sont les mêmes que les cris diurnes? Excellente question. Généralement, oui, mais il y a beaucoup d'exceptions. Alors, on ne peut pas inférer, là, si on entend un oiseau crier le jour, que ça va être le même cri la nuit. Il y a beaucoup de chevauchements, par contre, mais il y a des espèces comme la paruline masquée, qui est un petit oiseau au ventre jaune, assez commun, qui a un cri très, très différent la nuit de celui qu'elle fait le jour. On entend très rarement son cri, entre guillemets, nocturne, en pleine journée. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc, ils ont une espèce de trousse là, de cris là, qu'ils utilisent en différentes circonstances. Ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui se penchent sur ce sujet-là, des cris nocturnes? Peut-être que c'est un de vos sujets d'études également. Il y a des chercheurs qui vont enregistrer ces cris nocturnes. Oui, et je suis en train de m'inviter dans ce groupe de chercheurs-là. Là, j'ai développé un intérêt ces dernières années pour cette chose-là. Et donc, oui, j'enregistre, en fait, comme plusieurs autres personnes, là, des quantités assez astronomiques là, d'heures de cris d'oiseaux nocturnes. Dans le fond, l'idée est très simple, c'est que on déploie un enregistreur. Il y en a qui se font même qui bricolent des enregistreurs avec un petit micro. Il y en a d'autres qui en achètent, etc. Mais l'idée, c'est qu'on a des enregistreurs programmables. On dit à l'enregistreur, ben voilà, tu te mets à l'écoute une heure après le coucher du soleil, mettons, puis t'arrêtes une heure avant le lever du soleil, puis tu fais des fichiers audio, mettons, d'une heure chaque, pendant toute la nuit ou une fraction de la nuit, ou peu importe, on peut programmer ces appareils-là. Et là, ben tu peux imaginer qu'on a fini avec une montagne de fichiers. Pour les gens qui sont un peu techno, les fichiers, comme un fichier MP3 dans le fond d'une chanson, ça fait quelques mégaoctets. Nous, on les sauvegarde généralement ces fichiers-là en format brut qui s'appelle format WAV, qui est beaucoup plus volumineux qu'un MP3, 10 fois plus volumineux à peu près. Donc, on finit avec, comme là, j'ai dans les poches une carte de mémoire avec quelques nuits d'enregistrement, puis j'ai 13 gigaoctets. de cris. Alors, on peut imaginer, si on déploie plusieurs enregistreurs sur toute une saison, ben, on finit en dizaines de téraoctets Ben de oui, données. mais ça, c'est donc des dizaines d'heures d'écoute après. Des centaines, voire Des des milliers. centaines, ouais. Donc, comment on fait ça? On le fait certainement pas à main. Mais moi, je voyais venir le coup, par exemple, parce que depuis 2012, en fait, j'ai stocké des données d'enregistrement des fichiers acoustiques que j'ai jamais pris le temps d'écouter, sauf rare exception, parce que c'est juste trop d'heures. Mais je me disais, un bon jour, on va avoir un logiciel qui va écouter à notre place et qui va nous identifier tout ce qu'il entend. Et ça s'est produit, ce miracle-là s'est produit cet été. Les ornithologues ont produit un logiciel qui s'appelle Nighthawk, comme engoulevent en anglais, l'aigle de nuit, hein, Nighthawk, littéralement. Et c'est un peu comme, peut-être que les auditeurs connaissent Merlin, qui est un logiciel qu'on peut installer sur notre téléphone intelligent, qui est gratuit. Merlin, ça écoute les oiseaux, mais le chant. Donc le jour, Le jour. vous entendez un merle, vous allumez Merlin, puis Merlin va vous dire, c'est un merle. Bon, il se trompe parfois, là. Mais Nighthawk, c'est un logiciel qui est spécialisé pour les cris d'oiseaux nocturnes. Les oiseaux, quand ils font des petits cris comme ça, là, chaque espèce a sa variété de cris. Et c'est des cris qui durent une fraction de seconde. Donc, comment dire, la programmation pour identifier ces trucs-là est très différente de celle des chants les chants, c'est un peu comme la parole humaine, hein, c'est des phrases. Puis, c'est en quelques secondes qu'on peut construire une image d'un chant. Alors que les cris nocturnes, donc, durent juste des petites fractions de secondes, là, en Mais il n'y a millisecondes. pas de mélodie. Il n'y a pas du tout de mélodie. Mais un cri peut faire 8, puis l'autre, il peut faire yut, puis etc., là, mais vraiment très, très court. Mais comment on a fait pour identifier, pour associer un cri nocturne à une espèce si son cri nocturne n'est pas le même qu'en plein jour et qu'on ne voit pas l'oiseau la nuit? Comment on fait pour savoir qui fait fuit ou qui fait fiou? Ben, tu fais le même cheminement que j'ai fait il y a quelques années. Je me posais exactement cette question-là. Je me dis, est-ce qu'on dit n'importe quoi ici, là, ou est-ce qu'on a vraiment une validation? Parce qu'il faut toujours bien voir l'oiseau Ben pour qu'il ouais. entende son cri. Effectivement, il y a une validation. Il existe des collections de cris d'oiseaux où on a eu la chance de voir l'oiseau d'une façon ou Ah. d'une autre. Puis, il y a un observatoire d'oiseaux aux États-Unis où ils capturent donc des oiseaux pour les baguer. Puis, quand c'est très tôt le matin, que c'est encore sombre, les oiseaux vont souvent encore faire leur cri nocturne dans le sac dans lequel ils sont capturés ou dans une petite cage. Souvent, avant de les relâcher, les oiseaux vont faire leur cri. Donc là, on sait exactement c'est telle espèce qui a fait ce cri-là. Ah, et tiens, bon, c'est ce cri-là, OK, c'est un tel ou une telle. Ah ouais. Donc, on a fait les connexions comme ça. On a plusieurs centaines d'échantillons de validation qu'on utilise maintenant pour justement faire apprendre les logiciels d'identification d'oiseaux nocturnes. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui se mêle là-dedans pour repérer ou essayer d'identifier comme un profil Oui. de sonore et apprendre comme ça par rapport à force de dire bah ça le fiut c'est tel oiseau, le fiut c'est toi l'oiseau, le fiut c'est toi l'oiseau. Si Oui. j'entends un autre fiut, c'est cet oiseau-là. Exact. Donc oui, la réponse courte, c'est oui. En fait, sans l'intelligence artificielle, on ne serait pas du tout où on est maintenant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'un peu comme Merlin, d'ailleurs, l'autre logiciel pour les chants d'oiseaux, on fait apprendre notre logiciel. Donc, mettons qu'on a un échantillon d'une centaine de cris d'oiseaux connus. On va diviser ça en deux. On prend un groupe de 50, on dit à notre logiciel, ben voilà, apprends avec ça. Ça, c'est un bruant chanteur, ça, c'est une paruline, etc. On lui fait apprendre, on lui dit c'est quoi la réponse. Mais après ça, on le teste avec les autres 50. Nous, on le sait, les autres, qui ils sont, les autres 50, mais on teste notre logiciel pour voir combien de fois il a la bonne réponse. Et du coup, ben, on peut faire ça un grand nombre de fois et le logiciel devient bon, un peu comme les logiciels de traduction, hein, tout ce qui est intelligence artificielle. Et puis, le processus, il continue. Comme actuellement, moi, je recueille des erreurs. Je valide des cris que je fais écouter par le logiciel. Le logiciel me dit, tiens, tiens, j'ai entendu un coulicou à bec noir à 43 secondes. Je vais voir. Ah, oh, non, non, c'était pas un coulou, c'était un auto qui a klaxonné ou je sais pas quoi. Bon, là, il y a commis une erreur. Alors, moi, je flag, comme on dit en bon québécois, les erreurs et plusieurs gens comme moi font la même chose. Puis, on envoie ces annotations-là d'erreurs aux programmeurs et eux, ils mettent ça dans l'engrenage pour faire apprendre, peaufiner l'apprentissage. Mais là, vous soulevez un bon point, par exemple, là, s'il y a un klaxon, mais il peut y avoir d'autres sortes de pollution sonore, je ne sais pas, un avion, du vent, un cours d'eau. Je sais pas, peut-être une chauve-souris qui passe, qui fait les ailes qui vibrent. Est-ce que ça nuit à l'identification? Oui, évidemment, tout ça nuit à l'identification. Donc, quand on déploie un enregistreur, on essaie de le mettre dans un endroit relativement silencieux. Ça peut être un défi en milieu urbain parce qu'il y a le bruit sourd des autos, qu'on entend très loin. Là. Les autoroutes, là, c'est fou comme ça fait du bruit, mais c'est sourd. Heureusement, ce bruit-là, on peut le filtrer parce que les cris d'oiseaux nocturnes, ils sont dans les... c'est des très aigus, là. Puis il y a plusieurs cris. Moi, je suis un peu dur de la feuille à mon âge, là. Puis il y en a que je manque, là. C'est 8000 Hz, c'est plus, là. Je vois sur les... On voit les spectrographes de ces cris-là. On peut on peut les rendre de manière visuelle, les cris, hein, sur un spectre. Puis je vois souvent la griffe, là, je reconnais la marque de l'espèce sur le spectre, mais je l'écoute puis je l'entends même pas. C'est trop aigu pour moi. Quand on est plus jeune, on entend plus les aigus. Mais quand on est comme moi, on a trop écouté la musique rock trop forte, trop longtemps, ben on entend moins. Mais les bruits sourds, les bruits bas, les avions, etc., on peut les filtrer, on peut les enlever, mais on conserve l'entièreté des cris aigus. Par contre, les grillons, là, ça devient problématique. Les sauterelles, les grillons là, qui font les petits bruits à la fin de l'été, hein, on est là-dedans là, ce moment. La nuit, les nuits chaudes, là, c'est les pourri. Les grenouilles. Les rainettes, au printemps. C'est le cauchemar. Parce qu'ils vont dans les mêmes fréquences que beaucoup d'oiseaux. On peut pas... Si on masque les rainettes, bon, on va masquer les oiseaux aussi, du coup. On est pris un peu avec ça. Donc, on essaie d'aller... Par exemple, le printemps, si on fait des enregistrements, parce qu'évidemment, les oiseaux migrent le printemps aussi... on va essayer de se tenir loin des milieux humides. Parce que là, on sait qu'on va avoir un concert de rainettes, là, puis ce qui va noyer tous les autres bruits. Ben, on essaie d'aller dans des endroits comme les friches, les champs, où ça pousse naturellement. On évite ça parce que c'est plein de grillons là-dedans. Et finalement, ça nous apprend quoi sur les migrations? Parce que là, on parle donc des cris des migrateurs nocturnes. Donc, ça nous apprend quoi sur quelle espèce vole à tel endroit, s'ils font des étapes, quel chemin migrateur ils prennent, à quelle date ils migrent, qu'est-ce qu'on en tire comme information? C'est une source complémentaire qui est bien imparfaite, mais qui complète d'autres sources qui sont aussi bien imparfaites. Alors, on a toutes sortes de manières de faire des décomptes d'oiseaux. Par exemple, on peut évaluer des populations avec toutes ces méthodes-là, incluant les cris nocturnes, parce qu'on a quand même des données quantitatives, on a un nombre de cris. Mais on peut apprendre, à compter d'une nouvelle façon les oiseaux, les dénombrer, et faire ça sur plusieurs années, évidemment, nous permettrait d'avoir des tendances. On peut aussi comprendre est-ce qu'il y a des points chauds de migration à l'échelle, par exemple, locale? Est-ce que les zones plus montagneuses sont plus ou moins propices pour concentrer les oiseaux qui migrent la nuit? Ce genre de choses-là. Il y a beaucoup d'informations qu'on a maintenant, depuis quelques décennies, qui proviennent des radars météo. Parce que les radars météo produisent détectent les oiseaux migrateurs la nuit, parce qu'ils ont ces oiseaux-là, dans le fond... se comporte un peu comme des nuages, si on veut. Quand il y a un grand vol d'oiseaux, c'est comme un nuage. Puis les oiseaux sont composés, comme nous d'ailleurs, majoritairement d'eau. C'est de l'eau, là, essentiellement dans le ciel. Donc c'est un peu comme... Des grosses gouttes d'eau qui... qui battent des ailes. Donc les radars nous ont appris plein de choses, mais la résolution d'un radar est très mauvaise. C'est à l'échelle des plusieurs kilomètres... On le voit sur nos cartes météo, là, on voit les nuages, etc. On n'a pas un grain très très fin. Tandis que quand on place un enregistreur à un endroit, on a un niveau de résolution de quelques centaines de mètres. Donc c'est beaucoup plus précis et ça pourrait compléter les informations qu'on obtient déjà avec les radars météo. Oui, mais par contre, on ne peut pas mettre des enregistreurs partout. Il faut avoir quand même une idée, donc un biais quelque part, de là où on met où on place les enregistreurs. On rate peut-être ce qui se passe à 500 mètres parce qu'on n'a pas eu l'idée de mettre un enregistreur 500 mètres plus loin. Oui, c'est ça. Puis là, bon, évidemment, la plupart des terres dans les régions qui nous intéressent sont privées. On ne peut pas aller juste déployer un appareil comme ça sans avertir le propriétaire. Puis donc là, il y a un paquet de problèmes de logistique là, dans l'installation des capteurs. Puis idéalement, on les met dans des endroits assez hauts, hein, pour être près du ciel, près de où les oiseaux passent, s'il y a de la topographie pour la peine. Donc, il y a toutes sortes de petits défis d'échantillonnage comme ça, là, on est dans une science très, très jeune, là, donc il y a des choses qu'on va apprendre à faire là, dans les prochaines années. Mais là, le défi principal actuellement, c'est l'accumulation, le stockage de données. Idéalement, si on pouvait identifier, comment c'est, en vol, on the fly, c'est-à-dire si on pouvait identifier les oiseaux, mais dire que les coûts sans avoir à stocker des fichiers, ça serait idéal, parce qu'on n'aurait plus le problème. Mais en même temps, stocker les fichiers, c'est bon parce que ça nous laisse une archive. Alors, par exemple, la version 2023 de ces logiciels-là va être sûrement dépassée. Là, en 2030, on va sûrement avoir des logiciels beaucoup plus performants et on va pouvoir les faire tourner sur nos vieilles données qu'on a archivées. Il faut avoir encore plus, extraire plus d'informations. Il y a des espèces que ces logiciels-là ne sont pas capables d'identifier en ce moment, qu'ils seront probablement capables d'identifier dans quelques années. Mais là, si on combine donc les informations sonores par les enregistrements audio et les données avec les radars météo qui donnent peut-être plus une image visuelle, est-ce que ça nous permet d'avoir une idée de la taille de la population d'oiseaux en train de migrer? Est-ce qu'on peut jumeler comme ça? Parce que là, si on entend juste, peut-être qu'on ne sait pas combien d'oiseaux passent parce que tous ne crient pas. Exact. Dans un vol, il va y avoir, je sais pas, il y a X% qui crient, puis les autres qui crient pas. Donc, ça ne nous donne pas une bonne idée de la taille du groupe. Mais si, en plus, on a une image visuelle, un peu avec un radar, on peut préciser ces informations? Oui, ben, en partant, les gens qui ont utilisé les données radar ont toujours eu en tête le Saint Graal de l'ornithologie radar, c'est-à-dire d'avoir un facteur de correspondance entre ce qu'ils reçoivent du radar et le nombre d'oiseaux par kilomètre cube. Donc là, un kilomètre cube, c'est pas évident, là, peut-être, en tête des gens. Mais ça existe, hein, un kilomètre cube. Ben ouais. On aimerait ça avoir une espèce de courbe standard là, qui dit, bon, quand tu as tel type d'écho radar, ça donne tant d'oiseaux au kilomètre cube. On ne l'a pas. On n'est pas là encore, mais on approche de ça. Dans le cas des enregistrements, là, il y a un million de pièges parce que effectivement, comme tu dis, les oiseaux crient pas toujours. Il y a des oiseaux muets. Je le mentionnais tantôt, les viréos, bon, d'autres trucs, les moucherolles. Donc ceux-là, ils sont littéralement en dessous du radar. Là. Une même espèce, dans un groupe d'oiseaux, je sais pas, une sorte de paruline, il va peut-être y avoir des meneuses qui vont crier, puis pas les autres qui vont se contenter de suivre, peut-être, je sais pas. Par exemple, donc il y a un truc densité dépendant aussi. S'ils sont plus nombreux, peut-être qu'ils vont davantage crier par tête de pipe que s'ils sont moins nombreux. Donc ça, faut se lever un petit peu tôt là pour évaluer ce genre de choses-là. Ouais. Alors là, il y a aussi le fait que justement, si on entend une grive à joues grises, par exemple, passer au-dessus de nous, elle peut crier deux ou trois ou quatre fois le même oiseau lors de son passage. Donc, si on a quatre cris, ça ne veut pas dire qu'il y avait quatre oiseaux. C'est peut-être le même oiseau. Comme moi, j'utilise une règle de délai en secondes. Bon, en deçà d'un certain nombre de secondes, j'estime que c'est des oiseaux différents parce qu'ils crient quand même pas si souvent que ça. Au-delà de ça, c'est le même oiseau possiblement. Puis si c'est très loin dans le temps, avant ou après, ben c'est presque assurément un nouvel oiseau. Donc on se fait des règles du pouce, mais encore là, c'est très inexact. Là, Puis inversement, donc les données que fournissent les radars, ça peut peut-être aider à quantifier les oiseaux, mais ça identifie pas. Par contre, là, un oiseau, c'est juste un oiseau. Là, ça, on peut pas différencier les espèces. Ben en principe, on pourrait aller beaucoup plus loin avec les données radar parce que la manière dont le radar fonctionne, petit rappel techno, là, mais le radar envoie une onde et elle est réfléchie sur, par exemple, sur l'oiseau et le radar enregistre la réflexion. Or, si l'oiseau bat des ailes, quand les ailes sont sur le plan, horizontal, l'oiseau offre une surface beaucoup plus petite que quand les ailes sont vers le haut ou vers le bas. Ouais. Donc, l'écho du radar est modulé avec le battement des ailes. On pourrait utiliser ça en principe pour identifier certains oiseaux vu qu'ils n'ont pas le même patron de battement d'ailes entre les espèces. Mais ça va prendre l'intelligence artificielle aussi. En tout cas, je vois que c'est tout un domaine à découvrir, à explorer, ces migrations nocturnes, les cris des migrations nocturnes. Et je vois que vous avez encore du pain sur la planche, apparemment. Oui. Beaucoup d'heures d'écoute, beaucoup de signaux à interpréter, à décoder. Oui, absolument. Ouais, c'est des heures de plaisir. Oui, certainement. Bah, merci beaucoup, André, d'être venu nous faire découvrir ces appels des cris nocturnes. Je rappelle que André Desrochers est professeur d'écologie, de conservation et de modélisation statistique à l'Université de Laval. Merci. Ben, merci à toi, à la prochaine.